Chapitre 21 Éléonore de Guyenne, reine de France et reine d'Angleterre. 1. Éléonore, reine de France. Reine de France d'abord, puis reine d'Angleterre, et reine galante toujours, de ces trois couronnes, ce fut la dernière que la belle Éléonore de Guyenne porta avec le plus de succès. Elle en effeuilla les myrtes et les roses avec prodigalité. Nul mieux qu'elle ne remplit à l'avance ce devoir que plus tard Brantôme reconnaissait aux dames de haute condition, aux très illustres dames qui, de même que le soleil répand ses rayons, doivent répandre leur faveur avec la générosité de la toute-puissance et de la souveraine beauté. Cette fille de Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine, était d'une beauté et d'un caractère viril. De bonne heure, elle se plaisait aux fatigues de la chasse, aux exercices violents. Elle aimait le bruit, l'éclat des fêtes, et son esprit ardent s'éprenait d'aventure avant que son cœur eût encore battu. Mais de son temps au XIIe siècle, la vie des souverains était remplie d'aventures et l'humeur de la princesse devait trouver ample satisfaction. Son père, un bonhomme très dévot, étant parti pour un pèlerinage à Saint-Jacques de Galice, la déclara héritière de ses états, à la condition qu'elle épouserait le prince Louis, fils de Louis le Gros, roi de France. L'assemblée des états d'Aquitaine transmit cette volonté de Guillaume au roi Louis VI qui l'accueillit avec empressement. La dot de la duchesse était considérable. Elle apportait le Poitou, la Saintonge, la Gascogne, le pays des Basques, vaste territoire qui s'étend de la Haute-Loire aux Pyrénées. Aussi sans délai, rendez-vous fut pris à Bordeaux et quelques mois plus tard, en 1137, Éléonore, fille du duc d'Aquitaine, épousa le prince Louis, héritier de la couronne de France. Inutile d'ajouter sans doute que ce mariage fut célébré avec une pompe toute royale. Les jeunes époux paraissaient être nés l'un pour l'autre et destinés à créer, dans les éléments de leur bonheur personnel, le bonheur de leur peuple. Louis le Gros étant mort peu après le mariage de son fils, celui-ci lui succéda sous le nom de Louis VII. Auquel on a joint plus tard le surnom de « le Jeune ». Les premières années du règne de Louis le Jeune furent assez heureuses, mais la folie des croisades vint tout gâter. Louis se trouva avec sa femme au concile de Vézelay, où saint Bernard prêchait la deuxième croisade. Nous avons dit combien Éléonore avait le goût des aventures, du bruit et de la foule. La perspective d'un voyage en pays étranger, de combat, d'un grand rôle à jouer, l'enthousiasmait. Elle reçut la croix des mains de saint Bernard. Elle enflamma le zèle des barons et des chevaliers après avoir décidé son mari lui-même. Et dans le cours de l'été 1147, elle partit avec Louis VII pour l'Orient. Ils firent une première station à Constantinople. Puis ils abordèrent en Asie et poursuivirent leur long et périlleux voyage jusqu'à Antioche. Cette ville était alors au pouvoir d'un oncle de la reine, le comte Raymond de Poitiers. Raymond fit au souverain et à leur armée le plus sympathique et le plus généreux accueil. C'était un homme jeune, beau, vaillant et galant qui, à la pratique de la religion chrétienne, alliait, dans la plus large mesure, les usages voluptueux de l'Orient. Enrichi des dépouilles des vaincus, il ne songeait plus qu'à s'affermir dans la possession de sa province, croyant sans doute le Christ suffisamment vengé par le fléau de sa domination à Antioche. L'arrivée d'une armée chrétienne répondait à ses vœux les plus chers pour achever l'extermination des musulmans insoumis ou des princes, ses voisins. Il s'attacha à la retenir. Pour y arriver, il s'efforça de séduire le cœur de la reine. Louis le Jeune, tout entier à ses occupations militaires et à ses devoirs de chrétien, laissait à sa femme le soin de faire les honneurs d'une cour, aussi brillante que voluptueuse, sans s'apercevoir des dangers qu'elle pouvait y courir. Absorbé dans ses pratiques de dévotion et tourné vers Jérusalem, il ne vit rien des manœuvres galantes de Raymond vis-à-vis de sa nièce, et plus tard, non bien longtemps après, et simultanément peut-être, des coquetteries d'Éléonore envers d'autres héros de la première et de la seconde croisade. Dans les tournois, il ne voyait que cérémonie et que passe-temps dans les chasses. Il ne s'apercevait point davantage du désordre que jetaient dans son armée les libéralités de Raymond et l'oisiveté d'un séjour trop prolongé. Cependant, on ne se gênait pas trop vis-à-vis de lui. Sous prétexte de dévotion, sa femme s'éloignait de lui. Mais, après le comte Raymond, la fleur des chevaliers et la fleur des barons avaient su à quoi s'en tenir sur la sincérité de ses prétendus scrupules. Le bon roi devenait la fable de son armée. On citait même parmi les favoris d'Éléonore des musulmans. Oui, elle ne dédaignait ni les infidèles, ni leurs présents. « Dans ces choses, dit Mézeray, on dit souvent plus qu'il n'y a, mais aussi il y a souvent plus qu'on ne dit. » Pensez, dit Brantôme, qu'elle voulut éprouver si ses bons compagnons étaient aussi braves, à couvert, qu'en pleine campagne, et que possible son honneur était d'aimer les gens vaillants. Cette reine Éléonore ne fut pas la seule qui accompagna en cette guerre sainte le roi son mari. Mais avant elle, et avec elle, et après, plusieurs autres princesses et grandes dames avec leurs maris se croisèrent, et sous la couverture de visiter le Saint-Sépulcre, parmi tant d'armes, faisaient à bon escient l'amour. Ces guerres d'Orient, qui ne furent point stériles pour la science et la civilisation, contribuent rapidement à la corruption des mœurs. La débauche et le luxe énervèrent les armées chrétiennes. Cependant, Louis VII se disposait à quitter Antioche pour marcher vers Jérusalem, malgré les instances de sa femme pour retarder son départ. Et comme il persistait dans sa résolution, il rencontra chez Éléonore une opposition telle qu'il dut ouvrir les yeux. La jeune reine, pervertie et déjà éhontée, lui déclara qu'il pouvait aller à Jérusalem tout seul et qu'elle préférait renoncer à lui plutôt que de renoncer au plaisir de la cour de son oncle. « C'est vous qui m'avez trompé le premier, lui disait-elle. En vous épousant, je croyais épouser un roi, et vous êtes un moine. Je me séparerai de vous s'il le faut. Je ferai casser mon mariage pour cause de parenté. » Louis, de crainte de faire un éclat, de peur de scandaliser les Turcs peut-être, tenait bon et répondait « Vous ne serez plus mon épouse, mais vous êtes et resterez la reine. Vous me suivrez, de gré ou de force. » « Ni de bon gré, ni de force, répliquait Éléonore. « J'ai pour moi mon oncle Raymond. » Et en effet, celui-ci osait braver le roi et prétendait retenir sa nièce. Enfin, Louis VII, outragé comme roi et comme époux, hâta les préparatifs de son départ et enleva sa propre femme la nuit en secret et l'emmena dans son camp. Raymond n'osa l'y poursuivre. Les deux époux ne vécurent ensemble que pour se prodiguer les témoignages incessants d'une haine réciproque. Louis tenait la reine éloignée de lui. Éléonore ne parlait de lui qu'avec un mépris insultant. Plus d'une fois, le mari pensa à répudier sa femme, mais il en fut dissuadé par l'abbé Sugère, le sage abbé de Saint-Denis, qui lui représenta le côté impolitique d'une semblable mesure. La dot valait la peine que l'on gardât la femme. Il fallait conserver à la France la Gascogne, la Saintonge et le Poitou. Ce pauvre Louis VII, parti pour délivrer le Saint-Sépulcre, ne pouvait pas même se délivrer de sa femme. Nous ne le suivrons pas dans ses glorieuses pérégrinations, ses misères conjugales nous suffisent. Il rentra en France avec Éléonore, mais l'abbé Sugère étant mort, il reprit ses idées de séparation et, en l'an 1152, le concile de Beaugency prononça le divorce. 2. Éléonore, reine d'Angleterre. Le divorce apaisa chez Louis VII tout ressentiment, mais il n'en fut pas de même chez Éléonore. Aussi vindicative qu'orgueilleuse, elle ne résigna point la couronne de France sans songer à se venger. À peine retirée dans le duché qui composait son douaire, elle devint l'objet de l'ambition de plusieurs princes. Elle ferma les yeux, elle ne voulut voir parmi les soupirants quel était le plus beau ou le plus aimable. Rassasiée de conquêtes, elle n'avait plus d'autre passion, en ce moment du moins, que celle de la vengeance. Humiliée, il lui fallait avant tout reparaître le front haut. Une fois encore, tourner les rieurs de son côté. C'était du reste une nature perverse. Aucun sentiment de justice n'avait longtemps la voix dans sa conscience. On chercherait vainement en elle une qualité. Malgré cela, les beaux yeux de sa dot attirèrent les hommages du duc de Normandie, qui fut plus tard le roi Henri II d'Angleterre. Éléonore, voyant en lui un prince assez puissant pour servir contre Louis VII ses projets de vengeance, l'agréa. Ce mariage fit passer en Angleterre les riches provinces que vous savez. Henri n'avait agi que par ambition. Il méprisait celle dont il avait demandé la main, n'ignorant rien de ses aventures en Orient. Éléonore était plus âgée que lui. Elle eut donc à souffrir des mêmes chagrins dont elle avait abreuvé le bon Louis VII. Elle connut la jalousie. Elle ne se résignait pas à être délaissée. Elle ne comprenait pas que son teint brûlé par le soleil, ses traits amaigris par une vie agitée et dissolue, ne pouvaient lui permettre de rivaliser avec les jeunes beautés blondes et fraîches des bords de la Tamise. Sa démarche virile ne manquait point dans les cérémonies publiques d'une certaine majesté qui seyait à une reine. Mais elle avait perdu en séduction ce qu'elle avait gagné en majesté. Le roi Henri II n'avait des yeux que pour les yeux de pervenche de la belle Rosemonde, et si par hasard il détournait ses regards de cette jeune et fraîche beauté, ce n'était pas pour les reporter sur sa femme, mais sur quelque fille d'honneur dont la grâce à corte provoquait le caprice. La reine Éléonore faisait une ombre noire dans cet essaim de minois rose. Les plus savantes de la cour la comparaient à Proserpine. Se plaignait-elle à son mari ? « Vous êtes bien sévère, » lui répliquait celui-ci. « Vous l'étiez moins à Antioche. Alors, vous suffisiez à arrêter la marche de toute une armée, et les musulmans eux-mêmes étaient parvenus à vous faire agréer leurs hommages. » Henri lui jetait à tout propos ses orientales à la tête. Bientôt la jalousie se changea chez elle en haine. Désespérant de se faire aimer, elle ne songea plus qu'à se venger. Elle s'enveloppa de dissimulation, parut résignée à l'abandon, mais en secret mina la situation d'Henri II, se rapprocha du roi Louis par une correspondance qui n'était qu'un tissu de trahison, sema partout autour d'elle les soupçons et la haine, divisa la famille royale et finit, pour comble de perfidie, par armer les jeunes princes contre leur père. L'existence du roi fut empoisonnée. Plus de repos pour lui. La guerre s'alluma et le surprit, et, à la guerre étrangère, il eut la douleur de voir se joindre une lutte impie provoquée par ses enfants. Il devina bien vite la cause de tous ces maux. L'ennemi le plus dangereux était sous son toit. Il n'avait qu'un mot à dire pour l'atteindre, pour le foudroyer. Il y pensa. Mais il y pensa tout haut, sans doute, et Éléonore, avertie du danger suspendu sur sa tête, prit ses mesures pour s'y soustraire. Elle résolut de se réfugier en France. Un de ses favoris fréta un navire, y transporta de l'or et des armes, et la reine s'apprêta à fuir sous un déguisement masculin. Elle allait se mettre à la tête des rebelles. Déjà la Normandie, l'Aquitaine, était en feu. Elle se proposait d'attiser cet incendie, de marcher sur Londres, de faire Henri II prisonnier. Il la prévint. Au moment où, sous son déguisement, elle s'échappait du palais, il la fit arrêter, puis sous bonne garde, conduire dans un château fort. Cet acte d'énergie le sauva. La nouvelle de son arrestation découragea ses partisans qui, les uns après les autres, firent leur soumission. Voilà donc ce que peuvent, pour le malheur d'un peuple, les passions aveugles d'une reine. Éléonore demeura prisonnière jusqu'à la mort de Henri II, pour le plus grand bonheur du roi et du pays. Richard, cœur de lion, en succédant à son père, délivra la vieille reine en 1188. La réclusion ne l'avait point changée. Elle avait toujours le même goût pour la galanterie et les intrigues. Richard devait épouser Alix, princesse française. Elle fit rompre les négociations de ce mariage pour lui faire épouser Bérengère, princesse de Navarre. On sait comment le roi Richard prit part à la troisième croisade. Nous n'avons pas à la raconter. Pendant son absence, Éléonore gouverna l'Angleterre. Ce fut la seule époque de sa vie où elle fit un sage emploi de son esprit actif et de son énergie. Lorsque Richard Cœur de Lion fut retenu prisonnier en Allemagne, elle implora tour à tour le pape, l'empereur Henri V et Philippe Auguste pour obtenir sa liberté. Enfin, quelques années après le retour de Richard en Angleterre, Éléonore, courbée sous le poids des ans, se retira à l'abbaye de Fontevraud, où elle mourut en 1203 à l'âge de 80 ans.